Le réel existe-t-il ? La question n'est pas une provocation. Que désigne le terme de réel, si ce n'est, comme le dit Clément Rosset, l'ensemble des perceptions qu'on en a ? C'est-à-dire que du réel, nous n'avons aucune preuve. Et peut-être même n'y avons-nous pas accès autrement qu'à travers les doubles que nous produisons pour pouvoir le saisir. Et parmi ces doubles se trouve le cinéma. Dans Alice ou la dernière fugue, film sorti en 1977, Claude Chabrol joue avec le réel comme un enfant avec son nouveau jouet. Dans L'Enfer, 17 ans plus tard, le réalisateur montre comment la jalousie enferme le jaloux dans sa subjectivité jusqu'à la folie. Le philosophe Pierre-Yves Kivigère est avec nous ce matin pour réfléchir à ce qu'il reste du réel quand on en dissipe les illusions. C'est altérer le réel que d'en entreprendre une définition ou une description. Ce réel est un réel qui n'a pas de signification philosophique, et on peut dire que le réel est peut-être une notion illusoire, un pseudo-concept, d'ailleurs c'est un pseudo-concept, mais c'est pas un concept, c'est une intuition, un objet d'intuition. Mais que le réel est une illusion, au lieu d'être au contraire l'anti-illusion par excellence, et que au fond, la somme des visions, des perceptions du sensible peut être en réalité la totalité du réel. Le réel, c'est la somme de tout ce qu'on en perçoit. Monsieur, vous avez à choisir entre pile et face. Enfin. Alice. Vous avez gagné. Alice. Je suis crevé. 4, 5, 10. Regarde, tu peux pas savoir la journée que ça a été. 2. Infernal. Non mais en plus, il voulait que je travaille les Japonais au Lido ce soir, non mais tu te rends compte ? 204. Ça pourrait être long, tiens, je te les envoyais balader. Non mais faudrait pas exagérer, on n'est pas des bêtes. Ouais, mais avec l'autre salaud là. Tu sais celui qui me tire dans les pattes ? Si je fais pas attention un de ces jours, celui-là, il trouvera le moyen de me faire virer. Quel taré en plus, dis donc ! Puis complètement nul, hein. 10. Mais pour les entourloupettes, 10, alors là, fais-lui confiance. 200, alors là, c'est 200, la vedette. 204. Ah, dis donc, t'es allé chez le docteur, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est rien. Non, ça va. Ah, j'en étais sûr. Ah, les femmes. Elles se tracassent toujours pour rien. Je vais m'en aller, Bernard. T'en aller où ? Je vais partir, très très loin de toi. Oui. T'es folle ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Ma chérie. Je pars là maintenant. Mais enfin, je comprends pas. Tu pars avec un type ? Non. C'est une gemme. Alice ! Alice ! Allez, viens ici ! Bonjour Pierre-Yves Kivigère. Bonjour Adèle. Bienvenue sur le chemin de la philosophie, je suis ravie de vous recevoir à ce micro. Une journée qui commence avec la voix de Clément Rosset et un film de Claude Chabrol est une journée qui commence bien, n'est-ce pas ? En effet, en effet. Vous êtes professeur de philosophie de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Quel lien avec Claude Chabrol que vous aimez particulièrement, je crois ? Alors, je serais bien en peine de trouver un lien évident. Il y a un lien un peu anecdotique, je crois que... Claude Chabrol, comme moi, avons fait des études de droit. Et lui, comme moi, ne sommes pas allés totalement au bout de ses études. Mais au-delà, non, c'est simplement une passion cinéphilique, voire parfois cinéphagique, qui est la mienne et qui n'a pas grand-chose à voir avec mon métier. Ben, je suis ravie que vous acceptiez d'en parler. D'ailleurs, quand on vous a proposé de participer à cette émission, vous avez dit que vous vouliez parler d'un film. Un film qui est vraiment peut-être le moins connu de Claude Chabrol, non ? Moins connu, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez l'existence des magiciens, par exemple ? J'avais entendu le nom, alors que Alice ou la dernière fugue, je ne le connaissais pas. Mais je crois qu'il y a une raison à cela. C'est tout simplement que les magiciens ou les innocents aux mains sales ou folies bourgeoises sont connus comme étant des très très très mauvais films. Chabrol ayant la réputation d'avoir fait des très bons films comme des très mauvais films. Mais il disait d'ailleurs avec malice que... La liste que les gens donnaient de ses mauvais et de ses bons films n'était jamais la même d'une personne à une autre, ce qui fait qu'au total, il avait dû quand même faire un certain nombre de films bons ou très bons. Alice est en effet très très peu connue, peut-être parce que il a comme caractéristique d'être à la fois un excellent film et de ne pas tellement ressembler aux autres films de Chabrol. Donc c'est un excellent film atypique, c'est un film aussi avec un casting peut-être un peu déroutant, puisque l'héroïne principale est Sylvia Kristel, qu'on a plus l'habitude de voir dénudée dans Emmanuel ou les suites d'Emmanuel que dans des films d'auteur. C'est mon explication. On y croise aussi un André Dussolier jeune, qu'on ne reconnaît pas immédiatement. On le croise deux fois d'ailleurs. Voilà, c'est ça, dans deux rôles différents. C'est un film très étrange, excellent film sans doute. En tout cas, pour ma part, j'étais très déconcertée. C'est très très formel, très symboliste. Et y a, c'est par rapport aux autres films de Chabrol que je connais en tout cas, il y a quelque chose qui relève presque de la démonstration. Qui est perturbant pour le spectateur. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je suis tout à fait d'accord. Le film est très formel et met en scène le formalisme même, au sens où il est très souvent question des règles du jeu. Il est très souvent question des questions et des réponses, des questions qui sont interdites puisque précisément on n'a pas le droit d'y répondre. Il ne faut pas oublier que c'est un film qui est fait à la mémoire d'un grand cinéaste qui est Fritz Lang, qui lui-même était un immense formaliste et que Chabrol aimait beaucoup. Chabrol avait d'ailleurs une théorie très intéressante à propos de Fritz Lang, qui était que chez Lang, il n'y a pas de hors-plan. Il ne se passe jamais rien en dehors du plan. Et je crois que ce film est aussi un hommage à Fritz Lang parmi mille références intertextuelles. C'est un film très riche en références. Chabrol disait lui-même à propos de Fritz Lang, « Le premier battement du cœur, le premier choc qui a déterminé en moi la décision de faire des films, ou du moins mon espoir d'en réaliser, il naît de la vision de la première bobine du testament du docteur Mabuse, réalisé par Fritz Lang en 1933. J'ai très exactement 14 ans quand je vois ce film et je m'en souviens comme si c'était hier. Je n'ai pas oublié la première séquence, la traque du fugitif, la poursuite dans la rue et en voiture avec de formidables éclairages expressionnistes et fantastiques sur les arbres dans la nuit. C'était du Lang kafkaïen, une merveille. Je suis sortie de cette séance transportée sur un nuage en me disant « Voilà, j'y suis, c'est cela, c'est le cinéma et c'est pour moi ». Et c'est ce qu'on voit dans Alice, Pierre-Yves Kivigère. C'est ça qui est dingue, la manière qu'il a de décrire ce plan, on se croirait dans le film. Oui, non, je crois qu'en effet, Chabrol, mais comme d'ailleurs la plupart de ces cinéastes qu'on appelle les cinéastes de la nouvelle vague, terme aujourd'hui un peu ridicule, puisque on est quand même maintenant bientôt 60 ans après, comme tous ces cinéastes, c'est un cinéphile. C'est-à-dire qu'il fait du cinéma en ayant en tête les films qu'il a vus, les films qu'il a aimés, comme Truffaut, comme Godard évidemment, il ne fait pas vraiment de cinéma. Il n'est pas capable, je crois, vraiment de faire du cinéma premier degré, naïf. Il y a toujours cette intelligence et cette culture en lui. Et voilà, le formalisme est plus ou moins présent. Mais il y a d'autres films très très formels de la part de Chabrol. Alors, ce sont pas nécessairement les plus connus, mais un film comme M, qui est un film qui est une relecture de M le Maudit, est aussi un film très formel. Une partie de plaisir est un film très formel. Bref, il y a des films formels et des films avec une grande référence cinéphilique dans l'œuvre de Chabrol, mais il est vrai que ce ne sont pas les plus connus. Les plus connus, ce sont ceux de ce qu'on appelle l'époque pompidolienne, c'est-à-dire ceux du début des années 70, avec ces drames de l'adultère, ces drames bourgeois, qui sont des films absolument, absolument remarquables, hein, mais où la dimension formelle est un peu mise au second plan. Ben, ce qui nous intéresse en tout cas aujourd'hui avec cette dimension formelle, c'est qu'elle nous permet de formuler une question décisive en philosophie, mais aussi qui désigne l'essence même du cinéma. Est-ce que ce que nous appelons le réel est vraiment réel ou n'est-il qu'une illusion ? Alors, ce qui est en effet une question lourde pour le cinéma même. C'est-à-dire que le cinéma nous donne l'illusion d'être une espèce de réel comme ça donné directement, puisqu'évidemment, contrairement à d'autres formes artistiques, il semble être dans une espèce, comme avait pu l'être la photographie avant, une espèce d'enregistrement du réel. Et évidemment, il suffit de faire un tout petit peu de cinéma, de regarder pas mal de films pour se rendre compte que le réel qui est proposé par le cinéma est l'objet d'une construction, obéit à des règles très précises et donc est de l'ordre de l'artifice. Mais ça fait de ce support artistique une voie privilégiée pour en effet poser cette question de la frontière entre ce qu'est le réel et ce qu'est l'illusion, ou peut-être plus exactement, je dirais, entre ce qu'est le réel et la fiction. Hein, parce que au fond, et on a entendu tout à l'heure Clément Rosset, je crois que Rosset fait partie de ces philosophes passionnants et de tout premier plan qui ont osé, et ils sont assez peu, qui ont vraiment osé affronter cette idée que c'est assez illusoire de parler d'illusion et qu'il y a une richesse, une prolifération du réel et une diversité de ce réel qui fait qu'en réalité il n'y a que ça. Il n'y a pas toutes ces séries d'arrière-monde, là aussi on peut évoquer Nietzsche. Il y a un seul monde qui nous est donné. Il y a une réalité de l'illusion, pour le dire autrement. Exactement, il y a une réalité. L'illusion est réelle. L'illusion est totalement réelle. Alors évidemment, après, il y a des couches possibles. Et une question qui est centrale, c'est pour ça que j'évoquais la fiction, le fait de mettre en avant, de souligner, et ça peut être un geste cinématographique très net, de mettre en avant, de souligner le travail de construction d'un certain morceau. Du réel. On le voit très bien dans d'autres formes artistiques. Le théâtre, personne n'imagine au théâtre être spectateur d'autre chose que d'une mise en scène, d'une construction. Donc là, c'est très net. Et le cinéma doit aussi inventer ses manières de montrer le geste du dessinateur, le geste de celui qui fait du cinéma, etc. Ce que le film montre d'emblée, on a entendu la toute première scène insupportable de ce film. On a cet homme allongé devant la télé, c'est un très beau plan d'ailleurs. En mode romain, il est allongé sur une espèce de canapé et il mange du raisin. C'est ça, c'est Bernard Rousselet. Alice, donc, jouée par Sylvia Christel, entre, elle reste debout à la porte et puis lui raconte sa journée. Mmh. Ou vraiment une journée détestable, son patron lui a demandé d'emmener les Japonais au Lido, vraiment c'est une mauvaise journée. Et puis elle lui annonce qu'elle va le quitter, ça commence avec une séparation. Ça commence avec une séparation, avec une libération de cette espèce de discours machiste insupportable, qui je pense est d'ailleurs plus insupportable aujourd'hui qu'en 1977. Je pense que malheureusement en 1977, c'était une manière assez usuelle de s'exprimer pour un homme. Elle s'échappe, le titre d'ailleurs le dit, la dernière fugue, elle s'échappe de ce machisme, de ce patriarcat, et on va voir qu'un des enjeux du film, c'est que elle n'arrive pas totalement à échapper à cela. Pourquoi ? Ben parce que dans l'univers dans lequel elle va pénétrer ensuite, elle va commencer pendant presque les deux tiers du film par ne rencontrer que des hommes. Un petit garçon, un jeune homme séduisant joué par Dussolier. Le petit garçon est joué par le fils de Chabrol, ce qui est tout sauf un hasard. Et un homme de 40 ans, et puis un vieil homme joué par Charles Vanel, son servant joué par Jean Carmé. Bref, elle est le début du film, c'est un souhait de rupture, de cassure franche et nette face à cet imbécile macho qui fait les réponses à sa place, qui lui dit « Ah, t'es allé chez le docteur, mais bon, c'est rien, je pense. » Enfin, avant même qu'elle puisse dire que ça va. Voilà, « Ah, les femmes. » Le type est absolument insupportable et on comprend très bien pourquoi Sylvia Christel, enfin Alice s'en va. Ma confusion entre Alice et Sylvia Christel, elle s'explique par le fait que je crois, et c'est que la première des références de ce film, je crois que le choix de cette actrice est absolument tout sauf anodin de la part de Chabrol. Sylvia Christel, les jeunes auditeurs ne connaissent peut-être pas son nom, mais ceux un tout petit peu plus âgés la connaissent très bien. C'est l'actrice qui a joué Emmanuel, qui était donc le grand film, pas tellement pour ses qualités artistiques, mais pour son succès, le grand film érotique, grand public du milieu des années 70. Et ce que fait Chabrol, c'est mettre face à face cette créature machiste, un peu médiocre, allongée sur son canapé en train de manger des raisins, et en face une figure très liée à l'érotisme des années 70 via cette actrice. Elle s'en va donc, on commence avec une séparation, c'est-à-dire une rupture, et cette rupture va être beaucoup plus importante qu'on ne le croit, c'est-à-dire que la rupture sera aussi entre, vous l'avez dit, un univers et un autre. Elle prend son volant, là, une sorte d'accident, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Le pare-brise se brise, en tout cas. Mmh. Elle sort de la voiture pour aller demander de l'aide. Et elle se retrouve face à une maison dans laquelle elle pénètre. On l'accueille, on lui offre à manger. Elle est vraiment la bienvenue, mais elle ne sait pas où elle se trouve quand, soudain, la personne qui l'accueille va lui dicter les règles de ce nouveau jeu. Vous devez être épuisé. Allons, calmez-vous. Oh, je vous en supplie, aidez-moi. Je ne crois pas que ce soit en mon pouvoir. Vous cherchez à vous en aller? J'ai marché tout le long du mur et je ne trouve plus la grille. Il n'y a pas de grille. Mais hier soir, quand je suis entrée... Hier soir, peut-être. C'est absurde, il faut que je parte d'ici. Mais c'est pas possible, on peut entrer ici, mais on peut pas sortir. Prenez-en votre parti. Où sont Monsieur Vergène et son domestique? Je ne sais pas. Ne me posez pas de questions, je peux pas vous répondre. Qui êtes-vous? Ne me posez pas de questions. Mais je veux sortir d'ici. C'est pas possible, pour l'instant. Quand cela sera-t-il possible? Pas de question. J'accepte le jeu. Ce mur n'a pas d'ouverture, mais il ne se lève pas jusqu'au ciel. En grimpant sur ma valise, je dois atteindre sa crête et passer de l'autre côté. Ça va vous coûter bien des efforts inutiles. Pourquoi inutile? Et on a bien dit qu'on ne répondait pas aux questions. C'est ça les règles du jeu, Pierre-Yves Kivigère. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On parle de Chabrol cette semaine et aujourd'hui d'Alice et la dernière fugue et de l'enfer. Donc de Claude Chabrol, de Clément Rosset aussi. On essaie de voir comment est-ce que le réel et l'illusion peut-être ne font plus qu'un dans ce film ou dans ces films-là. L'extrait qu'on a entendu se trouve un peu plus tard que ce que j'annonçais. Alice essaye de ressortir de la maison, elle essaie de s'échapper au fond de cette maison qu'elle ne comprend pas. Et c'est là où elle rencontre ce jeune André Dussolier, l'homme en blanc, qui va lui expliquer un peu ce qui se passe en lui donnant les règles du jeu, notamment ne pas poser de questions, parce qu'à ces questions, elle n'aura jamais de réponse. C'est à la fois les règles du jeu et en même temps, c'est quelque chose d'absolument glaçant, peut-être à l'image de notre condition humaine. Oui, il y a évidemment la mise en scène de la terrible contingence de notre existence, la mise en scène de ce que Camus a pu appeler l'absurde. Évidemment, on est tenté de se dire que ce personnage qui s'appelle Alice Carroll, qui est évidemment une allusion très nette à Alice au Pays des Merveilles et à la suite de ses aventures derrière le miroir, Ce personnage se retrouve dans une situation dont il est difficile de sortir. On lui explique que c'est un univers rempli de règles très précises qui sont énoncées. Elle met beaucoup de temps à les comprendre. Elle n'a pas très envie de les respecter, ces règles. Pourquoi? Ben, simplement parce que ces règles, elles sont très contre-intuitives. Et puis, c'est difficile de suivre des règles dans un réel qui semble dénué de tout ce qui fait la stabilité du réel que nous connaissons. C'est un monde dans lequel elle passe son temps à grimper autour de ce mur et tout en s'élevant, elle finit par revenir au point de départ, ce qui est évidemment une aberration sur le plan physique. Le temps semble ne pas exister dans cet univers. Donc elle est face à des règles qu'on lui impose, et ces règles, elle a peine à les suivre parce que tout simplement, les règles d'un jeu sont un petit peu dépendantes d'un jeu et il faut que le jeu lui-même ait une forme de consistance, de stabilité et que le jeu soit pas trop déstabilisant. Puis il faut savoir qu'on joue surtout. Il faut savoir qu'elle est en train de jouer. Elle ne sait pas et surtout elle ne sait pas qu'elle est en train de jouer et elle va mettre beaucoup de temps à se rendre compte qu'elle est jouée, c'est-à-dire que c'est littéralement on se joue d'elle. L'univers dans lequel elle est plongée est un univers qu'on pourrait décrire comme un univers rempli de malingénie. qui s'amuse à la torturer, à lui donner de faux espoirs. Et cette scène de la rencontre avec l'homme en blanc, du Solier, qu'elle retrouvera plus tard lors de ce qui lui semble être une première capacité à s'échapper sous la forme d'un garagiste un peu sinistre, habillé lui tout en noir. Cette scène, elle est extrêmement importante parce que ça fait partie de ces scènes qui me font dire que Chabrol a vraiment construit ce film pour qu'on le revoie. Un peu comme d'autres cinéastes d'un univers très différent, comme Christopher Nolan, qui ne fait des films que pour être revu. Et à la fin, il fait Tenet, qui à la fois doit être vu et revu en même temps, ce qui fait que c'est difficile à voir. Cette scène, elle est centrale parce que c'est la scène qu'il faut avoir en tête pour comprendre ce que raconte, vers la fin du film, le personnage joué par Jean Carmet, le valet Cola, qui lui dit... Vous auriez dû avoir confiance en vous, vous n'auriez pas dû écouter ce que vous racontez, en fait il faut entendre par là ce que racontaient tous les hommes que vous avez croisés, et c'est, ça renvoie encore à la première scène, c'est votre statut qu'il fallait suivre, votre intuition qu'il fallait écouter, et non pas ces règles du jeu qui étaient fixées par une série d'hommes. Donc on retrouve cette espèce de dénonciation du patriarcat, et on retrouve la dimension féministe qu'on voyait très bien dans les premières minutes du film. Commencez à vous habituer, je vois. Qui êtes-vous ? Allons, pas de questions. Vous connaissez la règle du jeu maintenant. Les questions ne servent à rien si on ne peut obtenir de réponse. Bon, d'accord. Je ne vous demanderai pas qui vous êtes, ni comment partir d'ici, ni ce que vous me voulez. À la bonne heure. Par contre, j'aimerais bien que vous remettiez le disque en marche. Avec plaisir. Alors, excusez-nous, c'est un vieux disque. C'est une très belle hypothèse. C'est de penser que chacun de nous est un magicien qui a projeté l'univers, qui a projeté les autres, et qu'il l'a fait si bien qu'il est convaincu lui-même. C'est-à-dire, à ce moment, vous me rêvez, et vous ne savez pas que c'est vous qui me créez. Et moi, je vous rêve, je ne sais pas que c'est moi. Un magicien qui est convaincu par ses propres hallucinations, par ses propres visions. Et oui, dans l'extrait qu'on a entendu avec ce disque rayé encore plus insupportable, si jamais le spectateur avait du mal à accrocher, c'est le moment où il dit « mais arrêtez, laissez-moi tranquille, c'est trop dur pour les nerfs ». Et ça, Chabrol en joue extrêmement bien. Eh bien, Alice est en train de lire le recueil de nouvelles fantastiques, fiction de Borges, dont vous venez d'entendre la voix, Pierre-Yves Kivigère, avec cette idée que nous serions peut-être tous un magicien, au fond. Et le terme de magicien s'appliquait vraiment bien à ce film. Oui, c'est une scène que j'aime beaucoup parce que elle est au point d'intersection de toute une série de fils qu'il y a dans le film. Il y a un premier fil qui est évidemment cette intertextualité que j'évoquais tout à l'heure. Il y a le fait qu'elle soit en train de lire le recueil de Borges. La personne avec qui elle discute, c'est François Perrault, qui est un second rôle d'à peu près 80% des films français des années 70, que ce soit chez Sauté ou Chabrol d'ailleurs. Donc c'est une discussion aussi avec le cinéma français de cette époque. Et ce qui est, il y a un deuxième fil évidemment, qui est celui qu'on évoque depuis le début, à savoir cet entrelacement du réel et de l'illusion, ou du réel et de la fiction, À deux reprises, Chabrol fait quelque chose de très vicieux, à savoir qu'il introduit un élément de pur réel, de ce que Jean-Yves Girard appelle la foutue réalité, c'est-à-dire qu'on est dans l'illusion, et en réalité, il y a quelque chose qui va pouvoir être stabilisé, reconstruit, comme dans la réalité. On se dit, c'est quoi ce monde bizarre dans lequel les disques ne tournent pas, où ils sont en boucle ? Non, en fait, c'est un monde dans lequel il y a des disques rayés. Alors, ceux qui connaissent les vinyles et qui s'en occupent mal savent que ça se raye très facilement, un vinyle. Et donc, il n'y a rien de spécial. À un autre moment, il y a une horloge. Cette horloge, on vous dit qu'elle est cassée. Voilà. Bon, on se dit, voilà, il n'y a plus de temps dans cet endroit. Et puis, cette horloge, à un moment, elle se remet à marcher. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très vicieux à l'idée d'introduire dans ce monde qui semble très fictionnel des éléments de voilà, de cette foutue réalité pesante, solide, etc. Mais c'est intéressant de voir que cette foutue réalité intervient quand les choses ne fonctionnent plus bien. Oui, au fond, ce qui est louche, c'est quand tout fonctionne. Exactement. On finit par avoir cette conscience de l'importance des règles qui régissent le réel. Et pour revenir à ce que disait Rosset sur le fait que l'illusion est aussi une forme de réalité, ou ce que dit Borges, qui c'était une des grandes obsessions de son travail. Est-ce que je suis un papillon qui rêve qu'il est un philosophe, ou un philosophe qui rêve qu'il est un papillon, etc. Ces éléments de confusion, de glissement entre le réel et l'illusion, ou entre le réel et la fiction, ces éléments sont complètement redistribués autour de l'idée que ce qui fait le réel, c'est la présence ou non de règles relativement stables. Et on se rend compte que dans l'univers fictionnel, il y a aussi des règles. Qu'on crée cet univers artificiel selon des règles qu'on peut d'ailleurs expliciter peut-être plus facilement que les règles qui sont au cœur de la foutue réalité qui, elle, s'impose à nous. Donc le film joue beaucoup sur... Parce qu'assez vite, on comprend qu'elle est pas arrivée à la campagne dans un endroit au bout d'une route. Qu'elle est dans un... Et la question assez vite devient, est-ce qu'elle est en train de rêver? Bon. Et je pense qu'une des ruses du film, c'est d'essayer de nous montrer assez lentement qu'elle n'est pas en train de rêver, mais qu'elle est dans quelque chose qui, sans être un rêve, n'est pas non plus la réalité au sens le plus immédiat, le plus simple, cette foutue réalité que j'évoquais tout à l'heure. D'autant qu'à un moment, on se demande si ce n'en est pas entre le rêve et l'illusion, et pour reprendre le terme qu'employait Borges, c'est un terme aussi qu'emploie Rosset, du côté soit du magicien ou de l'illusionniste, c'est ce que dit Rosset également, c'est-à-dire, c'est encore plus subtil, c'est-à-dire cette personne qui est du côté du réel, mais qui fait intentionnellement croire à quelqu'un d'autre que le réel n'est pas ce qu'il est, ou qui se dupe lui-même. Ça s'appliquera notamment à l'enfer, qu'on abordera dans un instant. La question qui se pose est donc de savoir dans quelle mesure est-ce que les personnages eux-mêmes sont maîtres de ce jeu, au fond. Est-ce qu'on peut choisir d'être le magicien, ou est-ce qu'on subit toujours le pouvoir des autres? Alors justement, vous évoquez la figure de l'illusionniste. Une des références du film, c'est une référence qui est commune au livre de Rosset, Le Réel, et à ce film, qui est Barbe Bleue. Dans le film, il y a, comme dans le livre de Rosset, il y a une référence très nette à cette petite porte qu'il ne faut pas ouvrir. Elles sont toutes accessibles, vous pouvez vous promener partout, mais là, vous ne pouvez pas aller voir cette porte, sauf à la fin où on l'autorise enfin à aller dans cette porte. Donc il y a quelque chose de très déstabilisant dans cette idée qu'on serait ou pas maître de ces illusions. Le point qui est très ambigu, c'est vers la fin du film, quand le personnage de Charles Vanel, qui lui aussi porte un nom qui est une référence, puisque c'est Vergène qui était le plus grand peut-être ministre des Affaires étrangères, grand ministre d'État de Louis XVI. Charles Vanel, le personnage joué par Charles Vanel, donc Vergène, explique à Alice que ce qu'elle vit, ce qu'elle voit depuis le début de cette aventure, ce sont des apparences, et que ces apparences sont issues de son propre esprit à elle. Et la difficulté est de comprendre comment des illusions qui semblent naître de son propre esprit à elle, des fantasmes qui sont les siens, comment elle peut en être prisonnière. C'est-à-dire qu'elle est prisonnière d'une illusion dont la nature semble avoir pour principe d'explicitation sa propre psyché, sa propre vie. Et en effet, c'est assez cohérent, puisque on revient au tout début du film, cette omniprésence des figures masculines qui passent leur temps à lui expliquer ce qu'il faut faire, dans quelle direction elle doit aller, ce qu'elle a le droit de faire, pas faire, etc. On comprend très bien que ça soit dans sa psyché, puisque au début du film, on comprend bien qu'elle vit avec une espèce de type un peu tyrannique, un peu macho, et que ça a fini par rentrer dans son mode de fonctionnement. Et seul Et là, c'est aussi un geste politique. Seule la figure du servant, joué par Jean Carmé, qui lui aussi est habitué au rôle de personnage modeste dans le cinéma français des années 70, seul lui arrive à la délivrer un peu, c'est un peu le révolutionnaire du film, en lui disant « Mais vous avez eu tort, vous auriez dû avoir confiance en vous, vous auriez dû passer ce mur. Le personnage de Lussolier vous a dit qu'il y avait la même chose de l'autre côté, que ça marchait pas, qu'on n'en sortait pas. Mais non, vous auriez dû avoir confiance en vous. » Et on comprend que ce que vient lui dire le personnage de Charles Vanel est peut-être n'importe quoi. Et de fait, la fin du film, je ne vais peut-être pas la révéler, c'est dommage pour ceux qui ont envie de voir le film, la fin du film nous montre que ce que a raconté très précisément Charles Vanel est en fait faux. Il lui a menti, c'est-à-dire qu'il l'a manipulé jusqu'à la fin. Ben on va laisser de côté un instant, alors soit la fin, soit en tout cas la suite du film. Vous en avez dit suffisamment pour en montrer l'intérêt. On y reviendra dans un instant, mais on va faire un petit détour puisque vous parlez du fait que les personnages peuvent être prisonniers d'une illusion qu'ils ont eux-mêmes construite. C'est exactement la définition de la jalousie. La jalousie, c'est-à-dire que les gens confondent le coquifiage et la jalousie. Ce sont deux choses complètement différentes. Le coquifiage, c'est un état de fait. Mmh. Est-ce que la jalousie, c'est un soupçon? La jalousie, c'est le jaloux ne se nourrit pas de faits, au contraire, il les fuit. Il se nourrit de soupçons. C'est pour ça que c'est infernal et que ça n'a pas de fin. Un type qui commence à entrer dans l'engrenage de la jalousie finit schizophrène, obligatoirement. T'es passé à régler l'imprimeur ? Ouais, bien sûr, juste à table déjeuner. Alors, il est dingue, il m'a appelé à 3h pour réclamer son chèque. À 3h ? Je sais pas, j'étais passé juste après. Allez, c'est fini. T'es resté chez ta mère jusqu'à 3h. Hein? Non, bien sûr que non. Et tu devais pas déjeuner chez elle? On ne mangerait pas de médecin, il fait trop chaud. Hein? Tu devais pas déjeuner chez elle? Si, mais elle avait un élève débutant, une heure de garde, merci. Hein. Non, j'ai été manger un morceau avec Marilyn. On a fait la dinette dans la boutique. Allez, mon petit prince. Ah, bah ça rentre pas ou quoi? Voilà. Alors, tu vas descendre comme un grand et tu vas demander à Clotilde ou à Maria de te faire un dîner, hein? D'accord? Et tu vas faire un bisou à papa? J'ai envie de prendre une douche. Tu viens? Et les clients pendant ce temps-là? Quel client? Pendant que vous mangiez dans la boutique. Ah bah non, il est venu personne, ça devait être un jour creux. Bon. Jusqu'à 3h. Oh, écoute, je passe pas mon temps à regarder l'heure. Attends, fais voir un peu, toi. Fais voir. Mais fais voir. Viens, viens la lumière. Quoi? Mais c'est pas vrai. Quoi? T'es jaloux? Jaloux, oui. Oui, jaloux. Oui, c'est ça, oui. Oh. Mais moi, ça me plaît, tu sais, que tu sois jaloux, parce que ça prouve que tu tiens à moi. Et on le retrouve, le disque rayé, Pierre-Yves Kivigère, c'est François Cluzet, c'est le personnage de Paul qui sent naître en lui la jalousie et qui ne cesse de répéter les mêmes choses, de poser les mêmes questions auxquelles il n'aura pas de réponse. Les liens sont assez troublants entre ces deux films qui, en apparence, n'ont rien à voir. L'Enfer paraît en 1994, il raconte l'histoire de Nelly, joué par Emmanuel Béart, et Paul, qui sont mariés, qui ont un enfant, qui sont heureux, et Paul commence à devenir jaloux jusqu'à la folie. Et ce qu'on vient d'entendre, la façon non seulement qu'a Paul de poser des questions qui vont être sans réponse, ce qu'a dit Chabrol, qui dit que le jaloux, c'est celui qui fuit les faits, il esquive la réalité, et le geste du personnage joué par Emmanuel Béart, qui veut voir afficher sur le visage de François Cluzet qu'il est jaloux, tout coïncide avec tout ce que nous venons de dire à propos du film Alice. C'est assez troublant. Oui, c'est troublant et c'est assez terrible. Chabrol le rappelle dans le bout d'extrait que vous avez passé, le bout d'interview que vous avez passé. La jalousie est sans fin. Et d'ailleurs, la dernière image, là je spoil rien, la dernière image du film L'Enfer, c'est pas fin, c'est sans fin. Exactement. Sans fin. Oui, j'aime beaucoup ce passage de L'Enfer. Ah, il faut dire une chose à propos de L'Enfer, c'est que c'est un film où Chabrol injecté sa manière de faire du cinéma, mais c'est pas un projet chabrolien au départ. C'est un film qui a été commencé par Clouzot. On a d'ailleurs des bouts d'essai qui sont un peu étranges, un peu à la fois fascinants et pathétiques, avec Romy Schneider, fait par Clouzot. Et à partir de ce scénario qu'il a beaucoup retravaillé, Chabrol a fait ce film. Donc c'est un peu décalé. Mais c'est vrai qu'il y a une correspondance entre ces deux films. Alice ou la dernière fugue pourrait tout à fait s'appeler L'Enfer. Ça serait un titre tout à fait approprié. Ce qui est attachant et terrible dans cette scène, c'est que le personnage joué par Emmanuel Béard est pris dans une tragédie. On la voit se réjouir de façon vraiment avec beaucoup beaucoup d'enthousiasme de la naissance de la jalousie dans le personnage de Cluzet, qui jusqu'ici semblait un amoureux peut-être pas fou de passion, pas pris dans un délire amoureux, qui semblait très sobre, un peu taiseux, etc. Et d'un seul coup elle voit quelque chose qui est la flamme comme ça de la passion via la jalousie. Et la pauvre, elle ne sait pas dans quel cercle infernal elle vient de pénétrer. Elle a l'impression qu'elle commence à entrer dans une espèce d'histoire vraiment vraiment intéressante, où vraiment il est follement amoureux, mais le follement va absorber l'amoureux. Voilà, et le follement va absorber l'amoureux assez vite. Mais c'est comme si, dans l'extrait qu'on a entendu, c'est très frappant, elle avait besoin de preuves justement. Oui, il l'aimait. Mais elle ne le sentait pas trop. Et en fait, la jalousie pour elle va être reçue comme une preuve de la réalité de son amour. Et là, on rejoint ce que disait Rosset en début d'émission. Oui, ça, elle va tout à fait le sentir avec une... Là aussi, il ne faut pas trop raconter la fin du film, mais il y a un crescendo dans la folie et aussi un crescendo dans la violence du personnage joué par François Cluzet, qui fait que on a l'impression que Chabrol a choisi aussi ce sujet pour par une forme de scepticisme vis-à-vis de l'amour-passion, vis-à-vis d'un amour qui redéfinirait, qui devrait nécessairement passer par de la conflictualité, par de l'excès, etc. On sent un goût de la mesure en creux quand même dans ce que Chabrol met en scène. Mais voilà, c'est ce qui est le plus intéressant. C'est le film devient vraiment intéressant à partir du moment où voilà, ça commence à basculer, et le reste on va le voir, le reste devient beaucoup beaucoup plus inquiétant. Là, on est encore dans quelque chose d'assez prime-sautier. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est de quand on réfléchit à la question du réel et de l'illusion par le prisme de la jalousie et de l'amour, surtout, on est sûr de pas avoir de réponse, parce que qu'est-ce qui trouble le mieux la frontière entre le réel et l'illusion, peut-être que le sentiment de l'amour. Alors, on parlait hier avec Isabelle Huppert à ce micro de la distinction entre une personne et un personnage. Et elle disait que chez Chabrol, ça qui était intéressant, c'est que lui-même ne créait pas de personnage, elle ne cherchait pas à en jouer, mais il y avait eu cette quête d'une forme de réalisme de la personne par les sentiments, y compris pour l'acteur, parce que la question que nous posons ce matin est une question décisive pour ceux qui jouent. Voici comment François Cluzet parle de son interprétation, donc du personnage de Paul, dans le film L'Enfer. C'était au micro de Laure Adler en 2016. Chabrol, c'était pour moi plus qu'un père. Il avait la culture que mes parents n'avaient pas. Il avait beaucoup d'amitié pour moi, beaucoup d'affection. Moi, je l'aimais vraiment. Je trouvais qu'il était remarquablement intelligent. Et ce que j'aimais beaucoup chez lui, c'est que la vie passait d'abord. Donc Chabrol a été magnifique. Il m'a confié ce rôle de l'enfer, qui était un rôle extraordinaire, mais qui était un psychopathe. Et j'étais en contradiction complète avec Emmanuel Béard, qui, elle, à mon goût, avait fait un contresens dans le personnage qui m'énervait. C'est-à-dire, elle jouait une femme sexy, et je pense que quand on aime un homme jaloux, on évite de s'habiller de manière trop sexy. Parce que, ou alors, on l'aime pas. Le problème des jaloux, c'est que ils veulent qu'on ne regarde pas leur femme, et ils ont peur de tout. C'est très intéressant dans cette histoire, c'est que j'avais parlé avec un psychiatre qui me disait que la jalousie, dite maladive, est une pulsion homosexuelle. Donc je dis ça à Chabrol, qui éclate de rire en me disant « Où est-ce que tu as trouvé ça ?» Et je lui explique un truc très intéressant que le psychiatre m'avait expliqué, c'est-à-dire que si nous sommes tous les deux, un homme arrive, c'est à vous que je vais faire la scène si vous jouez ma femme, parce que vous me privez de cet amant potentiel. Alors, ce qui est très intéressant dans cet archive, Pierre-Yves Kivigère, c'est qu'on voit que, enfin, il y a vraiment une mise en abîme. C'est qu'au fond, ici, on a l'acteur qui lui-même conteste l'interprétation par Emmanuel Béard, donc avec qui il joue dans le film, au motif, justement, que ce n'est pas assez réaliste, qu'une femme jalouse ne devrait pas se comporter ici, donc, de cette manière-là. Donc, en fait, la question du réel, elle se pose à tous les niveaux. Oui, je suis un peu embêté à l'idée de contredire à mon tour l'un des deux interprètes, à savoir François Clisé, parce qu'il est quand même mieux placé que moi puisqu'il a joué le rôle. Mais je suis pas du tout convaincu parce que dit Clisé, au sens où dans le film, la partie où Emmanuel Béard s'habille sexy, extrêmement séduisante, etc., correspond essentiellement à la partie de où la jalousie n'est pas encore parfaitement explicitée par le personnage de Clisé, enfin joué par François Clisé. Donc je crois pas qu'il y ait de contresens. Au contraire, son personnage a tendance, quand elle commence à prendre véritablement conscience que la jalousie de son mari est pathologique, elle est beaucoup moins dans la séduction. Donc ça je suis pas convaincu. Par rapport à ils François... s'entendaient très mal pendant le tournage, disait Chabrol. En tout cas, ils avaient tellement dans leur personnage qu'ils n'arrivaient même plus, ils n'arrivaient pas à se blairer. C'est l'expression de Chabrol. Oui, mais c'est bien parce que ça a dû produire des tensions très utiles pour les scènes conflictuelles ultérieures du film. François Clisé est un acteur chabrolien très intéressant. Il faut savoir que, sauf erreur de ma part, c'est en effet avec Chabrol qu'il a commencé au cinéma. En tout cas, le rôle important que je vois de Clisé, le premier, c'est avec Chabrol. Dans un film, là aussi, dans les films dont on parle peu et qui sont absolument géniaux, qui est Le Cheval d'Orgueil. Très très beau film de Chabrol qui a pas du tout marché, qui était une adaptation de Père Jacques Hézélias, et dans lequel Clisé est formidable, mais il est tout jeune, hein, c'est un film de 1980, sauf erreur de ma part. T'es monté au grenier aujourd'hui ? Moi ? Non, pourquoi ? Tu mens. Réfléchis bien. Tu es monté au grenier aujourd'hui ? Non. Ah si, pour aller chercher les lampes. Seul ? Oui, seul. Tu mens. Où est ton bracelet ? Quel bracelet ? Celui que je t'ai offert. Perdu. Quand ? Je sais pas. Il y a 2 ou 3 jours, il a dû se détacher. Menteuse. Menteuse. Tu mens. Je l'ai trouvé dans le grenier. Qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il est, ce coin-là ? Mais t'es fou, mon pauvre type. Tais-toi. À chaque fois que t'ouvres la bouche, tu mens. Oui, je mens. Parce que j'en ai marre de tes scènes. Parce que je suis toujours en train de chercher ce qu'il faut dire. Pas dire. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je raconte n'importe quoi pour me débarrasser de tes questions. Oui, je mens. Et ça m'est complètement égal de te mentir. Tu me détestes ? Allez, dis-le. Tu me détestes ? Si j'avais assez d'argent pour faire vivre Vincent et maman, je resterais pas une minute de plus. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas vrai. C'est pour ça que tu restes avec moi ? Pourquoi crois-tu que je t'ai épousé ? Non, là, je te crois pas. Là, je peux pas te croire, là. Excuse-moi, je suis à bout. Couche-toi, dors. Alors là, on est en plein dans ce qu'on pourrait appeler le paradoxe du menteur ou les contradictions du jaloux. Paul veut forcer Nelly à lui avouer qu'elle ment tout le temps. Mais en fait, il ne peut pas supporter qu'elle lui ait menti sur le fondement même de leur relation, à savoir, enfin, là, elle lui dit qu'elle l'a épousé exclusivement pour son argent. Donc, en fait, on ne peut pas s'en sortir avec un menteur jaloux de cette espèce. Non, et puis on retrouve là quelque chose qu'on a vu dans le film précédent, dans Alice, avec les contradictions spatiales, oui, temporelles, etc. Là, on voit qu'on est dans un autre registre de l'illusion, qui est l'illusion de celui qui est fou, qui voit un monde autre qu'il n'est. Et on retrouve là aussi un marqueur évident de ce genre de folie, qui est le paradoxe. La malheureuse victime de ce mari jaloux, elle dit, ce qui est un vieux paradoxe, qui est paradoxe dit crétois, le fait de dire je mens. Si on dit je mens et je mens tout le temps, on se retrouve à se demander si la phrase je mens peut être vraie. Si vous mentez tout le temps, vous mentez aussi quand vous dites que vous mentez, donc vous dites la vérité. Enfin bref, c'est un truc bien connu qui est un peu un jeu d'ailleurs, qui n'est pas si profond que ça. Mais on voit bien que là, il la met dans ce que la psychologie va appeler le double bind, c'est-à-dire que quoi qu'elle réponde, de toute façon, elle a tort. Si elle lui dit quelque chose qu'il n'a pas envie d'entendre, elle ment. Si elle lui dit quelque chose qu'il a envie d'entendre, qui pourrait éventuellement le rassurer, il la traite de menteuse. Donc, de toute façon, c'est un univers dans lequel lui se croit détenteur d'une espèce de vérité, d'omniscience. Il repère, il a l'impression de voir des choses que les autres ne voient pas, et en particulier elle n'a pas conscience de laisser échapper comme signe. Et en revanche, il lui dénie complètement son statut à elle de sujet. Ce qu'elle peut dire n'a aucune importance. Tout ça est pris dans la bulle de sa propre subjectivité à lui, jaloux, qui finalement ne peut plus entendre ce que sa femme lui dit, ne peut plus donner un sens simple, élémentaire aux paroles et aux gestes de sa femme. Donc il a créé, on évoquait tout à l'heure ce que disait le personnage de Charles Vanel au personnage de Sylvia Christel, à savoir que le monde dans lequel vous êtes prise est un monde issu de vos propres souvenirs, de vos propres impressions, de votre histoire. Et là, Chabrol nous montre un personnage qui s'est lui-même enfermé dans sa propre histoire et qui détourne les signes d'une signification élémentaire. Et quand un seul coup elle lui dit quelque chose d'impossible et d'insupportable à entendre, qui a l'air d'avoir une espèce de parfum de vérité dans ce contexte, là aussi c'est du mensonge. Donc finalement, le personnage d'Emmanuel Béart est condamné, mais ça, c'est les victimes de jaloux doivent pouvoir témoigner que c'est ce qu'ils rencontrent en permanence. Ils sont condamnés à de toute façon fuir. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. À part fuir la jalousie, on peut rien faire puisqu'on peut pas rendre raison de quoi que ce soit. Ce qu'elle ne pourra pas faire, la différence d'Alice. Oui, enfin, je veux encore pas raconter la fin d'Alice, mais enfin, il y a des fuites qui sont parfois elle quitte son mari. Très souhaitables. Voilà. Oui, pour la première fuite. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, le film commence avec une fuite. Emmanuel Béart ne peut pas s'enfuir. Elle va même être attachée quand même. Oui. Dans les deux cas, ce qui est passionnant, c'est que pour Chabrol, la vérité n'est pas du côté de la logique. C'est même l'inverse. Quand il y a une logique absolument cohérente, c'est que généralement, on n'est pas du côté du réel. C'est la scène de l'enfer, vous savez, justement, où Paul essaye de montrer à Nelly qu'elle lui ment, et il dit, mais voilà, mais c'est logique, tu as fait ça. Elle dit, c'est logique, mais c'est pas vrai. Oui, d'accord, le personnage dit cela. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est une position défendue par Chabrol. Je crois au contraire que Chabrol est c'est ce que je disais tout à l'heure en disant que le monde va se définir prioritairement par les règles qui régissent ce monde. Je crois qu'il y a quelque chose comme un véritable intérêt pour la logique en un sens fade, pas en un sens technique, mais il y a un véritable intérêt pour la logique, en tout cas au sens d'un intérêt pour les règles qui structurent en profondeur le réel chez Chabrol. Je crois que son cinéma est vraiment un cinéma de mise en scène de ce que c'est que le réel. Et donc de ce point de vue-là, pour mettre en scène le réel, je ne crois pas qu'on puisse tourner le dos à la logique. Enfin voilà, je dirais pas les mais choses ainsi. Oui, parce que moi j'y vois au contraire une déconnexion entre les deux. Il veut filmer le réel, mais généralement ce réel-là n'est pas du côté de la logique, au sens où on pourrait définir rapidement la logique comme étant notamment ce qui commence en distinguant le vrai du faux. Tout ce que nous sommes en train de dire montre bien qu'on n'y arrive pas. Oui, mais justement, je pense que, enfin, pour détourner une formule célèbre, je ne sais pas jusqu'à quel point la vraie logique ne se moque pas de la logique, au sens où je crois que des... Ah bah alors là, on n'en sort pas, on est prisonniers comme Emmanuel Béart, là. Non, je crois que ce que veut mettre en scène Chabrol, c'est précisément un point de vue qui permet de comprendre la diversité des points de vue, les règles dans lesquelles chacun va être pris et les règles dans lesquelles le monde lui-même va être pris. Et je ne crois pas qu'il y ait une espèce de point de vue où il y aurait du vrai avec une majuscule, du faux avec une majuscule. Ouais. Et je ne crois pas que la logique, justement... Enfin bon, on fait pas une émission sur la logique, on en fera peut-être une autre. Non, mais c'est pas sans lien. Mais je crois justement pas que du côté de la logique, on soit, si on veut être rigoureux dans cette perspective, qu'on soit du côté d'un vrai avec une majuscule et un F avec une majuscule. J'évoquais tout à l'heure l'idée de la foutue réalité. Je crois que précisément la logique, la vraie logique, c'est celle qui va essayer de nous permettre de mieux appréhender cette foutue réalité en étant capable de comprendre que il y a pas de vrai absolu, il y a pas de faux absolu, et que c'est précisément essayer de construire cette chose assez complexe, à savoir les conditions de possibilité pour dire que quelque chose va être vrai et faux. Mm-hmm. C'est ça véritablement le cœur du travail logique. Donc de ce point de vue-là, je crois comme méthode de dissection du réel. Voilà, au fond. Voilà, exactement. Est-ce qu'on est d'accord qu'on révèle pas la fin d'aucun des deux films, ou est-ce qu'on écoute un extrait? C'est vous qui décidez, je vous laisse l'entière responsabilité du spoiling. Non, disons que pour l'enfer, comme toute façon l'enfer n'a pas de fin, on peut la dévoiler, on ne peut pas vraiment dévoiler la fin. Non, il n'y a rien à en dire. Il n'y en a pas. Ce qu'on peut dire peut-être d'Alice, c'est que... Mais Alice, le film est ancien, et puis peut-être que ça donnera à un éditeur l'idée d'en faire un Blu-ray avec une belle image, etc. Donc si la fin suscite un grand intérêt... Donc on écoute la fin. Allez, on écoute la fin. Amis auditeurs qui ne veulent, oui, bouchez vos oreilles. Ne veulent pas entendre la fin, mais vraiment, elle vaut le détour et c'est une parfaite conclusion de la discussion que nous venons d'avoir. Bon, je ne sais pas par où commencer. Il faut d'abord que vous sachiez que les explications que je vais vous donner ne vont pas satisfaire votre amour de la logique, parce que la logique à laquelle elle se réfère n'obéit pas aux lois qui vous sont familières, n'est-ce pas? Ainsi, cette maison, cette propriété, moi-même en l'occurrence et ce brave Colas, ne sommes que des représentations qui vous sont destinées. Vous comprenez? Nous sommes des apparences. Oui, des apparences. Qu'on peut modifier suivant les besoins. Mais nous ne sommes pas seulement des apparences, nous avons aussi notre réalité. Une réalité transformable, voilà le mot. Voyons, comment est-ce que je pourrais vous faire sentir cette réalité pour que vous en ayez une idée bien nette. Parce qu'au fond, hein, ça va bientôt être la vôtre. Non, disons que ce point est l'endroit par où les âmes remontent des enfers pour reprendre une apparence humaine. Vous comprenez ça? C'est amusant, non? Allez, buvez. Cette petite porte en bois, là, qui vous a tant intrigué, que vous avez même essayé d'ouvrir, eh bien, c'est par cette petite porte que, de temps en temps... Oh, pardon d'user de cette expression ici, le temps de Conte-Guerre. Mais c'est par cette petite porte que des âmes, toutes gonflées de mal, remontent des enfers pour se répandre dans votre cher monde. Donc qu'est-ce qu'on comprend à la fin? C'est pas sûr qu'on comprenne vraiment Pierre-Yves Kivigère. On se dit qu'au fond, l'accident qu'elle a eu était un accident qui l'a fait basculer dans un autre univers, disions-nous. Mais en fait, elle est quoi, dans le purgatoire? Oui, elle est dans un purgatoire, mais qui est un purgatoire qu'on pourrait définir aujourd'hui comme une expérience de mort imminente. Elle est peut-être probablement nulle part. Il faut bien comprendre qu'il y a de bonnes chances que ce que lui raconte Charles Vanel soit totalement faux et qu'elle ne remonte nulle part. La vraie fin du film, puisqu'on a commencé à la raconter, la vraie fin du film, c'est un plan sur Sylvia Christel morte dans la voiture qu'elle conduisait. Et donc, il est probable que tout ce qu'on a vu était en partie le fonctionnement pendant quelques minutes de son cerveau juste avant de mourir. Eh bien, nous voilà bien avancés dans la logique et dans notre quête du réel. Merci beaucoup, Pierre Kivigère. Merci infiniment. Merci, Adèle. D'être venu ce matin pour parler donc d'Alice, de La Dernière Fugue, et de L'Enfer de Claude Chabrol. On se quitte avec quelques secondes du concerto pour violoncelle de Dvorak qu'on entend d'ailleurs dans L'Enfer. Saviez-vous d'ailleurs que Chabrol, s'il n'avait pas été réalisateur, aurait été chef d'orchestre? C'est lui-même qui le dit de son propre aveu. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question aujourd'hui, elle est belle, elle est triste aussi. Pourquoi est-il parfois aussi triste de grandir? Alors, ma fille a bientôt 11 ans et je ressens chez elle depuis quelques mois une tristesse inédite. Elle passe encore des journées enfantines à jouer, mais j'observe, au moment du coucher, un passage brusque à la mélancolie. Je me souviens alors d'une grande nuit de crise que j'avais connue, à peu près à son âge, une nuit passée à pleurer devant les ruines de mon enfance qui m'apparaissait immense, idyllique et irrattrapable. Il m'en est resté ce sentiment que l'enfance, les 10 premières années de la vie paradisiaque et piranésienne, étaient plus grandes que tout le reste de ma vie et du monde tenait dans le tiroir d'un meuble de la maison de poupée de l'enfance. Et c'est cela, je crois, qui explique les larmes de ma fille, une nostalgie absolue devant ce spectacle qui se referme alors qu'un monde s'ouvre illimité devant elle. Depuis la rentrée de septembre, elle passe ainsi tous ses mercredis seule au parc, seule avec ses amis. C'est la chose la plus importante de son univers, les chats, les cache-cache, les balles américaines qu'ils y organisent et qui signalent de loin en loin son entrée prochaine dans les buissons de l'adolescence. Et soudain, je suis terrorisé pour elle par tous les obstacles qu'elle aura à traverser. C'est là pourtant que l'exercice de l'empathie paternelle est un peu arrêté. Si je m'identifie sans mal au monde mixte de l'enfance, elle vivra une adolescence de fille et non de garçon. Ah, et vous pensez que ça fait vraiment une différence ? Bah, disons que les peurs, clairement, ne sont pas les mêmes. J'ai grandi, entouré de trois sœurs, dans une sorte de sororité accidentelle. J'arrive un peu à me représenter les choses. Le féminin, tel que je me le suis primitivement représenté, relevait d'un système de codes presque oppressant, d'une grille pas éloignée tout à fait de celle d'une prison, et tout se mêle un peu dans mon imaginaire reconstruit du féminin, les patrons de tricot du mode et travaux, les mots fléchés du géant du femme actuelle, et les injonctions contradictoires d'une presse féminine qui vendait pêle-mêle de l'émancipation et des horoscopes, des conseils pour l'épilation du maillot et des grands reportages sur Diane Fosset, la femme qui vivait seule au milieu des gorilles. C'était pourtant à ces échelles grossières que mes sœurs s'étaient accrochées pour grandir, l'une apprenant la cuisine et l'autre plutôt le tricot. C'était comme cela, peut-être, qu'elles s'étaient primitivement rassurées, qu'elles avaient rêvé du monde comme d'une sororité imaginaire, une sororité pleine d'évidents défauts et de clichés de genre, mais aussi remplie de toute une sorcellerie de gestes bienveillants. Alors, j'ai repensé à ma fille, et je me suis dit que malgré tout, ces échelles de cordes avaient tenu, et que la sororité rêvée de mes sœurs était enfin peut-être devenu quelque chose de réel. L'espace d'un instant, j'ai entrevu, dans le chaos du monde qui vient, toutes sortes de nacelles susceptibles d'aider ma fille à grandir, de l'empêcher de tomber. Quelque chose de l'ordre pour rester dans l'univers de modes et travaux, d'un macramé mental. Et donc vous pensez qu'il serait moins triste de grandir aujourd'hui qu'autrefois ? Eh bien, je crois que la sororité appris que les femmes ont réussi depuis toutes ces années, même cachées parfois dans les prisons d'Ithac de la presse féminine, à assembler quelque chose qui, s'il ne ressemblait au début qu'à des contre-mesures opposées en catastrophe à l'emprise gravitaire du patriarcat, la sagesse prudentielle des grands-mères et les récits pleins d'avertissements des contes de fées, quelque chose a finalement pris la forme d'un monde véritable, compact et sécurisant. La sécurité inquiète de l'enfance, au moins sur ce point, est bien passée de l'autre côté, dans le monde des adultes, et c'est l'exemple le plus marquant que je connaisse d'un récit de transmission qui aurait fonctionné. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Oh là, Et merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Jules Barbier, Baptiste Botella, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. À la réalisation de cette semaine, c'est Esther Valencic et Nicolas Berger. À la prise de son, aujourd'hui, Maïwenn Le Guéant. À la lecture des textes, Vincent Schmitt. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui, chaque semaine, donne la parole à ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons avec Achille Membé. Demain, n'oubliez pas, sur France Culture, ce sera aussi une journée spéciale autour du printemps arabe. 10 ans après les printemps arabes, la grande table, les pieds sur terre, le temps du débat par les temps qui courent, autant d'émissions qui se mettront à l'unisson pour célébrer cet anniversaire. D'ici là, vous pouvez réécouter les chemins de la philosophie grâce à l'application Radio France qui vous permet d'écouter chaque émission en direct, mais aussi en téléchargement, en podcast. Comme ça, vous pouvez garder les émissions pour un temps illimité et les écouter où vous voulez et quand vous voulez. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.